En mai 68, j'avais 20 ans. Au cou, je n'avais pas de laisse. Et je jetais des pavés sur leurs valeurs et leurs CRS. 40 ans plus tard, le rebelle est mort. Il en reste, mais en plaqué or. Faussement en rupture avec le monde adulte. Parce que tu t'es intégré avec aisance dans une société décrétée par l'indolence. Ta révolution passe par la Real TV. Et le fait de niquer le bénef, comme tu dis. Je sais que tu as été cet enfant en carence affective. Le parent absent t'a rendu plus seul en te couvrant des produits technologiques du moment. Certes, tu es le produit de ta génération, d'assistés blasés, celle qui peaufine son individualité. Gamin, tu te crèves sur l'homme standard, la virilité comme rempart. Tes faiblesses, on t'a appris à les laisser à part. Et toi, jeune demoiselle, qui passe son temps à faire d'elle quelqu'un de sophistiqué, le regard des autres te fait exister. Tout est basé sur l'esthétique, l'instinct reste statique. Vos aînés ont fait du temps, une notion qui ne s'associe qu'à l'argent. Valeur unique, façonnée par les médias. Cette population qui avance au pas, qui marche vite de surcroît, qui ne se retourne pas, et ça a un président tout ça. Un court instant, arrête-toi, écoute le vieillard que tu n'aides plus à traverser, qui te fait la morale avant de se faire pousser sur la chaussée. Je vivrai mon enterrement comme le troisième âge dans l'isolement, mais j'ai la chance d'être né à une époque reculée. Et toi, es-tu prêt à vivre dans ce monde sans essayer de l'humaniser ?